Je méprise ces négros, je m'attire ces négros, ils rappent tous avec le flow de mes gosses. Nous c'est hyper bourré, conscience aérienne, hyper doué. En plus on travaille, quand t'es vraiment dissident, ta chaîne YouTube elle saute. Personnellement j'en fais une tous les deux mois minimum, rempli du mot youth, racisme plus belle stuff. J'ai juste la vérité sur les fâches comme ce génitine. We are very sane et leur défait donc ça s'appelle de l'antisémitisme. Mais j'en suis pas désolé, la version accusatoire c'est leur façon de procéder. En somme c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité ou même la pute du trottoir. Chaque fois qu'on se fait diaboliser par les disciples du diable, j'aurais de quoi rigoler. J'aurais jamais disque d'or mais j'aurais plus que consoler avec une nuit de cristal. Version Windows craquée, loin d'être soft au micro, pas à commettre le pire pour provoquer le meilleur. Si jamais tire aux femmes, à se mettre à la caca en tête tire, c'était postant de tir. Si tu vois ce que je veux dire, pas de shadowboxing. Ça compte pour de vrai, c'est pas du rap homosexuel sous autotune. Le 9 mai on commémore le 5 juin célèbre. Wesh poteau, no pas à ran. Nationaliste, pas patriote. Le marxisme, c'est l'opium du peuple. J'en pisse dessus du mirador sans tenter de leur faire croire qu'il pleuve. J'ai pas la prétention de dépasser les 33 piges. Je rends la violence esthétique et le nazisme respectable. Lié par le sang, versé et non reçu.